Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, je crois que c'est la première fois que vous êtes rassemblés autour d'un micro ensemble. Vous représentez tous les trois plus grands poètes, les trois plus grands auteurs-compositeurs, interprètes de la chanson française. Bon, j'espère que vous êtes tous présents, je fais pas l'appel, mais ce cours est très important. Une petite leçon d'histoire, un petit effort de mémoire, et demander aux plus acharnés, aux détracteurs surmotivés. Toi, toi et, toi. Et puis vu que je pars pas bien loin, et que contre l'amnésie je ne peux rien, désolé, mes arguments sont certifiés, donc vous ne pourrez qu'acquiescer. Nickel. Pour vous qui ne cessez de dire que le rap est le pire, de tous le plus grossier, laissez-moi juste vous rappeler. Allez, allez, allez. Seul change la manière de faire, ouais. Et après vous pourrez vous taire. Car je vais vous prouver, même la variette assez énervée. Nos mots sont temporels et la censure est moins cruelle. Là, donc laissez-moi vous citer trois grands poètes engagés. Tout simplement trois noms, mais trois pointures de la chanson. Et puis vu que c'est plaisant, écoutez leur œuvre, c'est cultivant. Alors posez-vous là et écoutez ces trois gars-là, tous debout, une ovation pour ces géants de la contestation. Messieurs Brel, Brassens et Ferré, et vous admettez s'il vous plaît qu'avant le rap, sans objection, il y a toujours eu de la rébellion. Il faudrait juste un peu de tolérance et ouvrir vos esprits, ça je pense. Un peu de culture et d'éducation, ça fait pas de mal et ça rend moins con. Brassens bande sur Fernande, Brel emmerde les cons et chope les glandes. Ferré en a tellement dit qu'une seule chanson n'aurait pas suffi. J'en passe et des meilleurs, comme exemple j'ai pris des seigneurs. Je reste persuadé que si aujourd'hui ils chantaient encore, ils seraient de mon avis. Et toi t'en penses quoi? Bah voilà.